2, 1, 2, 3, 4. Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Marika tous les vendredis à partir de 19h. On est ensemble pour 3 heures de musique et on a déjà commencé, hein, on est ensemble jusqu'à 22h, mais on a déjà commencé à écouter des bons artistes de la région orléanaise, mais pas que. Il y a aussi certains artistes qui sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour présenter leur travail, alors qu'ils viennent de très loin, ils ont fait des kilomètres, et c'est toujours pour notre plus grand plaisir. On a commencé avec le groupe Burning Head, hein, le groupe Burning Head, un groupe qui représente Orléans partout dans le monde, hein, comme vous le savez. Le premier titre que nous avons écouté, c'est une reprise d'un groupe qui s'appelait XTC, qui avait sorti une chanson qui avait super bien marché. Là, c'est le rythme un petit peu plus rapide. Il s'agit de Making Dance to Nigel. Juste après, encore un groupe qui tourne sur Orléans depuis déjà de nombreuses années. Il s'agit du groupe Les Brigitte Bop, avec un morceau qui s'appelle Toujours Plus Fort. Voilà, Les Brigitte Bop, on peut compter sur eux pour nous faire la musique toujours plus forte, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, on a aussi écouté le collectif Mavrika, une chanson Mavrika qui avait été écrite par Christophe Desgarens, et les instruments ont été exécutés par les différents membres du groupe Garens. Et justement, ça avait été enregistré avec de nombreux chanteurs. Il y avait, je crois, de mémoire, 21 intervenants dans cette chanson. Donc chaque couplet avait été chaque phrase de chaque couplet avait été chantée par un artiste différent, et il y avait des artistes professionnels, d'autres amateurs, et d'autres qui étaient même pas chanteurs à l'origine, mais qui avaient une voix qui passait très bien, donc on en était servi. Voilà, donc c'était la chanson Mavrika, la chanson officielle en version longue que vous avez pu écouter jusqu'à la fin, avec de très bons artistes et des très bons souvenirs en tout cas qui nous reviennent à chaque fois qu'on diffuse cette musique sur Radio Arc-en-Ciel. On a continué avec à l'instant un groupe qui s'appelle Strong Come Hans, un groupe voilà que je connais déjà depuis pas mal de temps, j'ai déjà vu sur scène, je les avais vus il y a très très très longtemps et j'avais bien aimé, je savais que c'était un bon groupe et j'ai eu l'occasion de les revoir dernièrement, et je me suis dit je savais qu'ils étaient bons mais je me souvenais pas qu'ils étaient aussi bons. Franchement, un bon groupe à aller voir sur scène, le groupe Strong Come Hans. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Underworld. Voilà, on est ensemble pour 3 heures de musique. Vous êtes prêts, hein, vous êtes bien installés, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut infos à votre portée. Je pense au niveau boisson, au niveau son. Hein. Il faut aussi écouter ça assez fort quand même. Hein. Mettez assez fort sur vos amplificateurs. Ça, c'est important. Et on va continuer avec un groupe qui s'appelle Orphan Black. On va écouter avec un morceau qui s'appelle Silent. Donc, on persistera avec Some More Chance. Et juste après, RN6, The Brunettes, The Shepherds, The Twangy and Tom Trio et des Shaky Mets. Il y en a encore plein comme ça jusqu'à 22h de très bons artistes que j'ai déjà vus sur scène, que j'ai déjà reçus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Radio Arc-en-Ciel, vous écoutez Le Silence, c'est le titre des Orphan Black que l'on vient d'écouter. Ils sont vraiment excellents. Vraiment puissant comme morceau. Hein. Le groupe s'appelle Summer Chains et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Astronaut. On continue avec de la musique rythmée dans un autre style. Le groupe RNCs qui était venu dans les studios Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils reviennent à nouveau parce que j'ai eu la chance de les revoir sur scène et c'est toujours un plaisir de les retrouver. Donc, si vous aimez le speed rock, restez avec nous. On va écouter tout de suite un morceau des RNCs et le temps que je trouve le titre parce que j'ai tout noté. Mais bon, il faut que You Can Shake. Vous pouvez bouger chez vous aussi. You Can Shake, le groupe RNCs. What things we know, human beings, you say. Just pain. this morning. I can't make up my mind. Should I get up and fire or try again? Très rock'n'roll, hein, puisque juste après les RN6, on écoutait You Can Shake, et on écoutait The Brunettes avec Lover Song, un morceau qui a été enregistré spécialement juste avant leur passage dans l'émission Mavrika cette année. Donc les Brunettes avaient enregistré ce morceau-là, et c'est celui qu'on diffuse depuis leur passage. On a aussi écouté le groupe The Sharpers avec Doctor Doctor, et à l'instant c'était Rock'n'Roll de The Twangy and Tom Trio, qui sont aujourd'hui quatre, et qui s'appelle I Can Sleep at Night. Alors si vous pouvez pas dormir ce soir, bah c'est pas un souci, hein. Vous pouvez continuer à danser le rock and roll sur Radio Arc-en-Ciel avec l'émission Mavrika, et on va continuer d'ailleurs avec du rock and roll, hein. C'est toujours The Shaking Mates avec un morceau qui s'appelle Bullfrog Blues.

Le groupe s'appelle Uncommon Man from Mars et le titre c'est Noise Pollution, pollution sonore on dirait en français. Si vous trouvez que c'est fort, bah c'est que vous avez encore écouté le groupe qui vient juste après, c'est le groupe Blooming Discord avec An Event Past, un groupe de Marseille qui était en concert la semaine dernière sur Orléans au Dropkick. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h, c'est l'émission Mavrika. Tell me what the hell is wrong, love? Why

qui était venu de Limoges pour nous rendre visite dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est le groupe Sugar Cane, You Let Me Go. Vraiment, avec beaucoup de plaisir, on les a écoutés. Et puis, ils nous ont promis qu'ils reviendraient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et puis aussi en concert sur la région orléanaise. Donc, le groupe Sugar Cane. Juste après, on va écouter un autre groupe qui s'appelle XTV. Le titre que je vous propose d'écouter s'appelle Braises, Scarves on Broken Bones. Et juste après, ça sera le groupe Glass Zone, le projet Glass Zone que j'ai reçu il y a très peu de temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le titre que nous allons écouter s'appelle Time. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Restez bien calés dans votre fauteuil. Ne bougez surtout pas. tortured. Le projet Glazone était dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous faire découvrir leur univers, la musique dark, un petit peu, comme on pourrait dire. Donc Glazone, le titre qu'on vient d'écouter s'appelle Time. On va toujours rester dans la musique un petit peu plus calme. On va écouter Sika avec Enjoy. Et puis on est ensemble jusqu'à 22h dans l'émission Marika sur Radio Arc-en-Ciel. Alors un petit conseil, écoutez Radio Arc-en-Ciel tout le long de la semaine, hein, parce que de toute façon il y a l'émission Marika le vendredi, mais il y a de très bonnes émissions et vous trouverez dans aucune radio autant de variété dans les émissions proposées sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 MHz et sur le www.radio-arc-en-ciel.com. Thank you. Facebook, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Hein, sur le Facebook de l'émission, c'est Mavrika Albino. Vous mettez un petit commentaire. Il y en a déjà plein qui ont commencé. Hein, ils n'ont pas attendu que tout le monde soit là. Hein, il faut y aller au fur et à mesure. Donc vous pouvez retrouver tous les titres qui sont diffusés dans cette émission numéro 568. Et au fur et à mesure, je les mets à jour. Hein, donc il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir retrouver tous les bons artistes que nous diffusons depuis 19h. Hein, tous les vendredis, nous avons énormément de bons artistes que nous avons reçus pour la plupart dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Et justement, l'émission Mavrika, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à recevoir à nouveau des invités dans les studios Radio Arc-en-Ciel. C'était juste le temps que je m'habitue un petit peu à la nouvelle technique. Mais ça va se faire très vite. Hein. Ça y est, maintenant je pense que je suis opérationnel et je pense recevoir mon diplôme de bon technicien. Voilà, donc je peux vous annoncer dès maintenant, déjà pour le mois de novembre, le 24 novembre, il y aura pour l'émission numéro 571 Chris et Léo. Alors vous les connaissez, ils sont déjà venus dans le groupe Barricade et c'est la formation minimaliste, on va dire ça comme ça, et ils vont venir nous présenter justement leur projet, puisque ce groupe se produit régulièrement et justement on a envie de les recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et eux aussi ont envie de venir nous voir. Donc on va passer un bon moment, ça c'est certain. Alors ce que je peux vous annoncer aussi, c'est pour janvier 2024, c'est déjà prévu. Donc théoriquement, hein, s'il n'y a pas de changement, ça devrait être l'émission numéro 580 et on recevra à nouveau ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, tenez-vous bien, les Uncle Bikers. Donc c'est pas rien, hein. Et en plus ils vont nous présenter leur nouveau travail et c'est toujours un plaisir de les avoir. Et pour le mois de février, il y a déjà une date aussi, c'est le 2 février, donc pour l'émission numéro 681, théoriquement nous devrions recevoir, non c'est sûr, ils vont venir, mais ça sera peut-être pas l'émission de 680, ça dépend s'il y a une petite rupture ou pas, mais enfin je vous l'annonce quand même dès maintenant comme ça. Ça sera le groupe, le premier passage du groupe Trans Chacal Express dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc la musique électronique, et puis vous allez voir, on va passer un bon moment avec eux, j'en suis certain, ça sera une découverte pour ma part, on les connaît déjà depuis pas mal de temps, on les a déjà diffusés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans les émissions Mavrika, mais cette fois-ci, ils seront en chair et en os. Donc si vous voulez venir dans l'émission Mavrika, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter donc sur le Facebook Mavrika Albino, vous me contactez et on se cale une date et on se fait une émission, hein, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, autre chose, c'est que vous pouvez aussi nous laisser des messages, hein, ça, vous le faites régulièrement. Heureusement, il y a plein de gens qui m'envoient des petits messages et justement, les boîtes de production et tout ça, tous les gens qui suivent des artistes et qui ont envie de les faire découvrir, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail, hein, tout simplement, c'est mavrika@live.fr. Ça peut pas être plus simple, hein, mavrika@live.fr. Je vous attends et puis on va caler à partir de là. Bon, il y a déjà une petite liste, hein, je vais commencer à contacter tous les gens qui m'ont contacté ces derniers mois pour venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc il y a une petite liste d'attente, mais ça va se faire. Hein. Il y en a plein qui vont venir avec des styles différents. Hein. Il y a des choses complètement différentes d'une émission à l'autre. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'émission Mavrika. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h. On a encore plein de choses à découvrir. Et puis, puisqu'on est dans la musique cool, là, je vais vous faire écouter deux morceaux à la suite. Un qui est super bien, super vachement bien, etc. Et l'autre qui est aussi pareil. Hein. Tiens, c'est dingue. Ils vont bien s'enchaîner. C'est le groupe Hide Me avec un morceau qui s'appelle Deep Blue Eyes, un superbe slow. Et juste après, on va rester dans la série slow avec le slow de l'été. Il s'agit de Prisma avec No More Tears. Vous êtes dans l'émission Mavrika et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Every time you lose your mind. J'adore en tout cas. C'est le groupe Prisma avec un morceau qui s'appelle No More Tears et c'est un hymne à l'amour. À l'amour, voilà, pour ses enfants tout simplement. C'est de l'amour aussi. Et justement, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est un enfant qui est dans la drogue et c'est son papa qui l'aide au maximum et jamais il le laissera. Voilà, c'est vraiment l'histoire. Une très belle histoire en tout cas, une très belle chanson, une très belle interprétation par le groupe Prisma. Juste Juste avant, c'était les Hype Me avec Deep Blue Eyes. Encore un très beau slow aussi. Et on va faire un petit tour maintenant du côté de Shanghai. Ça vous dit quelque chose? Oui, on va retrouver Angéline Anonier. Angéline qui est déjà venue à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était la choriste de Johnny Hallyday, de Michel Sardou et d'autres. Et aujourd'hui, elle fait une carrière solo et nous a fait ce morceau qui est excellent et qui nous invite au voyage Shanghai sur Radio Arc-en-Ciel. The crowd hurrying step by step, many bikes and water carriers and tuk-tuk. A train of thoughts traverse through my imagination. I hop off at the station. Railway takes me far beyond the Yonsei-kyong. De moi, oui. Je te le dois. Je te le dois. Pas de vrai, pas de cri. Ce qui était ne peut s'effacer. Pas de mépris, pas de déni. Puis accompli, journée sans. Je te le dois. Je te le dois. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit d'Alex Lebay. C'est le dernier invité qu'on a eu juste avant le changement du studio et juste avant les vacances. Hein. Donc il était venu au mois de septembre, on avait passé un bon moment ensemble, comme d'habitude avec Alex. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle « Je te le dois ». Juste après, on va écouter un autre groupe, un groupe qu'on n'a pas encore reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, que je commence à voir de plus en plus. Hein. Apparemment, ils se produisent pas mal. Le groupe s'appelle Clitosaurus. Voilà, c'est facile à se souvenir. Hein. Vous pensez à deux choses. Et puis vous l'associez, donc ça fait ça. Et le titre qu'on va écouter s'appelle Disco Mobile Murder. Et juste après, on va écouter Drive to Amnesia avec Nothing's Impossible. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. because the loved one is gone. This feeling doesn't grow old. I didn't get a chance. Why? Why do the bad boys keep coming? We'll be right back. s'appelait Painkiller. Et il s'appelle maintenant Drive to Amnesia. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Nothing is Impossible. D'ailleurs, Drive to Amnesia a encore changé de formation. Donc, on devrait les recevoir très bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour qu'ils nous présentent leur nouveau projet. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Et on va retrouver quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, qui a fait partie longtemps de l'équipe de Mavrika. Il était chroniqueur dans l'émission, hein, et il a aussi fait une émission qui s'appelait Ça va le faire, hein, vous vous souvenez. Il s'agit de monsieur David McLane, qui lui est toujours chanteur. Et je vous propose d'écouter un morceau, hein. Il est toujours direct avec les dames. Le titre c'est « Je vais coucher avec toi ». T'inviter à manger, t'inviter à danser, mais la chose que je veux, c'est pourquoi je suis là. Regarde-moi dans les yeux, je veux coucher avec toi, je veux coucher avec toi, je veux coucher avec toi. Je peux t'offrir du temps, je peux être très bon an, je peux te rassurer, je peux t'écouter, te faire couler un bain, je peux sortir ton chien, je peux être très gentil, même avec tes amis, je peux faire la vaisselle, tout sortir les poubelles, je peux même si tu veux, te peindre le ciel en bleu, mais la chose que je veux. Pourquoi je suis là, regarde-moi dans les yeux. Je veux coucher avec toi. Je veux coucher avec toi. Je veux coucher avec toi. Je sais qu'on ne doit pas parler à une jeune fille comme ça. C'est vrai qu'on ne doit pas, mais voilà. Oui, voilà. Je veux coucher avec toi. Je veux coucher avec toi. Je veux coucher avec toi. Je veux coucher avec toi. Non. Eh, ne sors pas, non, non. Reviens. Non, mais je suis ici ça pour rire. Stop. Allez. Tiens. Viens, il y a un fleuriste là, viens, je t'achète tes fleurs. Allez. Oh non, je vais être tout seul là maintenant ce soir là. En plus, j'ai mal au poignet. Oh merde. Oh, j'ai chier. Non. Pour une fois. Allez, s'il te plaît. Eh, hey, tu m'as même pas donné ton numéro de téléphone. Bon bah, allez, salut. Thank you.

tell you. I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I won't be so for you. Just meet me some other silly pretty girl. I'm singing it to John. quelle interprétation, les Mockingbirds, Don't Believe, un superbe morceau, hein. Franchement, on l'apprécie avec beaucoup de plaisir. En tout cas, une pensée à Jean-Marc et à sa famille, puisque le guitariste des Mockingbirds nous a quitté il y a quelque temps. On pense toujours à lui, et puis c'est pour ça qu'on écoute avec beaucoup de plaisir les Mockingbirds et les Blues Factory tout à l'heure, qu'on écoutera aussi avec un morceau qui s'appelle Saturday Blues. Pour l'instant, on est vendredi, donc vendredi, on peut avoir aussi le blues, hein. D'ailleurs, on a écouté pas mal de morceaux, on va en écouter encore d'autres morceaux de blues. Tout à l'heure, on a écouté les David McLane avec Je veux coucher avec toi, hein, carrément, lui, il va pas par quatre chemins. On a écouté Les oreilles qui saignent avec un morceau de David McLane, ça s'appelle Une bouteille de rhum. On a écouté aussi les Full System qui sont venus cette année dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur travail. On a écouté d'ailleurs un de leurs morceaux qui s'appelle Oasis et on a savouré parce que franchement c'est un groupe que j'aime beaucoup. Hein. Et là maintenant on va retrouver Dirty Charlie. Dirty Charlie qui était il y a quelque temps dans nos studios, il y a quelques mois. On avait découvert ce groupe et puis franchement c'est un groupe super bien. Et il nous a envoyé un morceau qui s'appelle L'art venge la vie. C'est le morceau que je vous propose d'écouter maintenant. Et juste après, on écoutera les Uncle Bikers avec Rust on My Heart. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. La merde à longueur d'audition. Les sous-bois, les petites bêtises, je ressens jamais ce doux bobin, même propre de zumba, des goûts amoureux. Factory sur Radio Arc-en-Ciel avec Saturday Blues. Voilà, je vous avais annoncé déjà tout à l'heure, mais le blues, ça sera pour demain. Ce soir, on est vendredi, on écoute de la bonne musique, et puis surtout, on n'oublie pas d'aller au concert. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai reçu une petite affiche qui m'a bien plu, notre ami Phil Twangui. Il s'agit d'un concert qui aura lieu le vendredi 15 décembre et le samedi 16 décembre. Donc deux soirs de concert au même endroit, ça sera au Dropkick Bar à Orléans, donc place des Châtelets. Et il y aura les City Kids, vous savez, ce groupe de légendes de rock'n'roll français qui sera là. Et puis il y aura donc deux concerts et un setlist des City Kids par soir. Et le vendredi, il y aura The Twangy and Tom Trio, donc voilà, qu'on a déjà diffusé tout à l'heure en début d'émission. Il y aura aussi les Strong Come Hans, voilà, un groupe aussi qu'on a diffusé en début d'émission, voilà, comme quoi on suit bien l'actualité des groupes de la région. Et le samedi, il y aura Brigitte Bop, encore un groupe qu'on a passé dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a pas très longtemps, et qu'on a passé en début d'émission aussi, un de leurs titres, Toujours Plus Fort, ça s'appelait. Et il y aura aussi le samedi 16 décembre, donc Brigitte Bop et The Quing. Quink, voilà. Sortez, allez au concert, vous allez voir, vous allez pas regretter d'aller découvrir ces groupes-là, parce que moi, j'en connais 3 sur 4, et ce sont des excellents groupes. Alors si vous les connaissez pas encore, allez-y. Si vous les connaissez, je suis sûr que vous irez, il n'y a pas de souci, on peut compter sur vous. On continue avec de la bonne musique, hein, vous êtes d'accord, on est encore ensemble pour une petite demi-heure, le temps passe très très vite. Je vous propose d'écouter un groupe que nous avons reçu il y a quelques mois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Neutral, et le morceau qu'on va écouter, c'est Give Me a Reason, et ça sera suivi d'un autre groupe qu'on affectionne particulièrement. Il s'agit de Red Daff avec La Fille. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Mmh. âgée s'échelle, perd les latitudes vers le sud. Quitter la grisaille, briser les murailles, repenser le futur sans ses murs. Red Duff avec La Fille. Juste après, on va écouter un groupe que nous avons reçu il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Doreen Lowe. Voilà. Alors, on va écouter un morceau qui s'appelle Allô la Terre. Et juste après, ce sera Dérapade, un autre groupe qu'on apprécie beaucoup aussi sur Radio Arc-en-Ciel et qui sont venus il y a quelques temps dans nos studios. Et le morceau qu'on écoutera, c'est Sordide. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Restez avec nous. Hein. Vous pouvez nous écouter sur le 96.2 MHz. Mais par exemple, si vous n'avez pas de poste FM avec vous, vous pouvez aussi brancher votre ordinateur et nous rechercher sur le web sur radio-arc-en-ciel.fr ou .com. Les deux fonctionnent. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant. Et puis, de toute façon, restez connectés toute la semaine. Il n'y a aucun souci. Radio Arc-en-Ciel est là 24 heures sur 24. Ici, vagabond, qui se pourrit les artères assis sur du béton. Faut passer sans me voir, cruautés à talons, piétinant nos espoirs, de vos sourires bidons, je veux tout. Allô la terre, ici vagabond. Pour une gorgée de travers dans le dos des frissons. Pas très cool nos hivers, sans toi dans la ville. Juste une porte cochère et mine dans ta gueule. Je veux tout. Ici, vagabond. Des poings levés se dressent, peau de fer, peau de fesses. Je ne vois que vos bas comme des rats vous trottez. Je respire vos pas, je ne peux pas vous aimer. Pas très cool nos hivers sans toi dans la ville. Juste une porte cochère et ma haine dans ta gueule. Je ne sais pas si l'amour est fait pour moi. je l'avais gardé pour la fin de l'émission, mais finalement il a voulu passer avant. Ben, on le passe avant, hein. De toute façon c'est pour notre plus grand plaisir. Ça s'appelle As Long As It Pays, et c'est le groupe Last Reader sur Radio Arc-en-Ciel. Vous avez annoncé des rapades, et bah des rapades c'est pour juste après, hein. De toute façon c'est pas bien grave, hein. On se respecte pas tout à fait l'ordre, c'est pas un problème dans l'émission Maureka sur Radio Arc-en-Ciel. L'important c'est de passer les meilleurs artistes de la région, et on va retrouver des rapades avec un titre qui s'appelle Sordide. Juste après ça sera Narcos avec Erreur de Casting. Bientôt à la fin, hein. C'est vrai que toute bonne chose a une fin, et sur Radio Arc-en-Ciel l'émission Maureka se termine à 22h, mais restez sur Radio Arc-en-Ciel, de toute façon il n'y a pas de souci, on est là 24h sur 24, on vous diffuse plein de bonne musique. Et puis ce que je veux dire aussi, si vous loupez une émission par-ci par-là, hein, vous pouvez pas toujours être à l'écoute, bah c'est simple, vous pouvez retrouver donc les podcasts de l'émission grâce à notre ami Florent, et puis moi régulièrement je partage donc l'émission Maureka pour tous ceux qui l'auraient loupé, donc dans les prochaines heures, prochains jours, je le partagerai sur le Facebook de l'émission Maureka, et vous pouvez donc réécouter l'émission, l'écouter si vous l'avez pas entendu, et vous pouvez aussi la télécharger et la conserver pour l'écouter dans quelques années. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on remercie notre ami Florent, et puis ce que je vais faire aussi, je vais commencer à dire les phrases magiques, parce que depuis bientôt 14 ans que nous faisons cette émission, nous disons toujours toujours des phrases magiques. La première, c'est que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et la troisième, en anglais, everything is gonna be alright. Voilà, c'était l'émission numéro 500. Là, je sais même plus combien on en est. 568. Et donc la semaine prochaine, nous recevrons des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc précipitez-vous si vous voulez venir, parce que pour l'instant, c'est pas encore décidé. Mais ça va se faire très rapidement, puisqu'il y a une petite liste d'attente. Il y en aura bien un qui sera prêt. Donc à partir de la semaine prochaine, nous recevons des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et je peux déjà vous annoncer qu'il y en aura certains. Voilà, je cherche mes petits papiers. Les petits papiers, voilà, je tourne à droite. Non, c'est pas là-dedans, côté. Côté gauche, c'est bon. Donc il y aura Chris et Léo qui viendront le 24 novembre. Il y aura aussi les Uncle Bikers qui viendront le 26 janvier 2024. Eh oui, on s'en approche de plus en plus. Et au mois de février, nous avons une autre date. C'est le 2 février, Trans Chacal Express dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. En attendant, bah, écoutez Radio Arc-en-Ciel, soyez tranquille, soyez cool, soyez bien. Et puis je vous souhaite en tout cas que tout se passe bien dans votre monde autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, donc sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz. On se retrouve ici pour passer des bons moments. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il y aura des invités. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Hein, donc ce qu'on va faire, on va écouter deux derniers morceaux. Alors on va écouter le groupe Narcos avec Erreur de casting. Je regarde la pendule, ouais, ça va être un peu juste. Donc et un deuxième, Custom avec Rock and Roll Party. Voilà, cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous à tous.

c'était bien plus banal. Sortie, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez novo apelo a um cessar-fogo humanitário. Foi durante uma audição no Parlamento de João Gomes Cravinho. A União Europeia apelou a uma pausa humanitária. Creio que, não sendo possível haver um cessar-fogo, é melhor haver uma pausa. João Gomes Cravinho reafirmou.